Audiomatique. basé sur une collaboration entre le projet Axon Neuron et la pièce une collaboration entre le projet Axon Neuron et la formation Kirlian Camera que s'ouvrait la transmission 280 d'Audiomatique. La pièce que nous écoutions, à savoir Aurora, se trouve sur l'album Anthologie double de Axon Neuron s'intitulant Document 1995-2005. Les sonoristes n'ont aucune véritable conviction. En fait, ils ont des prédispositions favorables pour le matérialisme, la doctrine d'après laquelle il n'existe d'autre substance que la matière, car les ondes sonores ont peur du vide. Et pour se propager, elles ont inévitablement besoin d'un appui matériel. Et Audiomatique participe à cette matérialité nécessaire à la diffusion des entités audibles. Et de votre côté, vous n'êtes que de la matière supplémentaire dans cette chaîne, au bout de laquelle ce qui est entendu devient significatif. En conclusion de ce segment musical à Audiomatique, vous entendiez le trio new-yorkais Medeski, Martin and Wood, formé du claviériste John Medeski, du batteur et percussionniste Billy Martin et du bassiste et contrebassiste Chris Wood, et nous interprétaient la pièce Nocturnal Transmission, extraite de leur album On Invisible, paru en 2002. Et pour débuter, il s'agissait du groupe californien Dear Oof et la chanson E-Guru Guru de l'album Offend Maggie, qui a été lancé en 2008. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation Mouse on Mars. We'll be right back. Thank you. Toujours à Audiomatique, nous entendions la pièce Fête, composée par la formation B12 pour l'album Time Tourist, paru en 1996. Et avant B12, nous écoutions Mouse on Mars et la pièce Tox and Damask, apparaissant sur le troisième album Autodidactère, sorti en 1997. Maintenant, à Audiomatique, les sonoristes vous présentent le projet français Tara King Theory. Stop. definite street? Doesn't the real world consist of perhaps, say, 50 or 100 or so faces? And isn't everything and everyone else just a name in a newspaper? An image on a screen? Close your eyes. Stop up your ears. And there is no world. Whatever you say, it'll be wrong. And I'll lose my temper. I don't want to do that. So just keep quiet. Close your eyes. Stop up your ears. And there is no world. Thank you. This is the last day of our acquaintance. I will meet you later in somebody's office. I'll talk, but you won't listen to me. Tout juste d'entendre à Audiomatic l'artiste irlandaise Sinead O'Connor et sa chanson The Last Day of Our Acquaintance de son deuxième album I Do Not Want What I Haven't Got, paru en 1990. Précédemment à Sinead O'Connor, nous vous présentions le duo Bose, de qui nous entendions la chanson Speed Marina, tiré de son premier album Blush, sorti en 1999. Et pour amorcer ce bloc musical, nous avions droit au projet français Tara King Theory et sa composition Psychic Science, qui se retrouve sur son premier album Séquence 01, paru en 2003. La transmission 208 d'Audiomatique se terminera sur une note ambiante et contemplative grâce à la musique du projet canadien Parhelion, duquel nous allons entendre la pièce-titre de son premier album Midnight Sun, paru en 2010. Si tout se passe comme convenu, la transmission 281 d'Audiomatique se matérialisera mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou. Nous continuerons également d'étendre notre présence virtuelle en rendant disponible cette présente émission sur nos plateformes comme, entre autres, facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc pour terminer Parhelion et la pièce Midnight Sun. C'était Audiomatique avec les sonoristes.